chant, poésie, slam, humour, soyez l'un des 26 artistes participants. On plonge dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korigane, une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée, une séance photo professionnelle et même 500 $ échangeables en temps de studio d'enregistrement. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Inscription en tout temps sur ckrl.qc.ca. C'est exactement ça. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Myriam Leland au micro de CKRL 89.1. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatial, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Ce soir, on a un spécial 2 pour 1 pour vous. J'accompagne Gentiane Lafrance au micro. On vous fait ça à deux ce soir. Bonsoir, Gentiane. Bonsoir, Myriam. Je suis très heureuse d'animer avec toi ce soir. Moi aussi, je suis très heureuse d'animer avec toi. Je suis très heureuse d'être de retour en onde après une petite pause de 3 semaines. On s'est ennuyé. Oui, mais j'avais une charge mentale qui était un peu trop intense pour pouvoir me présenter à la radio. Je te remercie beaucoup directement, Myriam, d'avoir accepté de faire ces belles animations. On a un beau menu ce soir encore, oui. Toute ton entrevue. De quoi tu nous parles? J'ai invité Morgane Duchesne-Ramsey et Anne-Marie Ouellette. Les deux artistes présentent le projet Contingence au lieu, un projet d'installation, de partage, de savoir-faire, de connaissances, de revalorisation aussi de ces savoir-faire traditionnellement féminins. Alors, j'ai très, très hâte d'en parler avec les deux artistes qu'on va voir toutes les deux en studio tout à l'heure. Ensuite, après la pause publicitaire, ça va être Sarah Chouinard-Poirier qu'on va avoir au téléphone, qui va nous parler de son projet Index, qui est présenté dans la vitrine de Regard. Encore une fois, un projet de rivalisation des savoir-faire féminins, mais de la littérature féminine. Mmh. Donc, elle a une collection de livres écrits par des femmes et elle les lit au micro. En direct et on va pouvoir en jaser un peu plus avec l'artiste tout à l'heure. Et ensuite, c'est toi, Myriam, qui fait une entrevue avec Armelle François. Oui, exactement, la directrice générale et artistique d'Engram. En fin de semaine, c'est l'ouverture de nouveaux locaux. Ça s'appelle La Pilotine. Puis en fait, c'est oui, très. J'ai vraiment hâte de lui poser tout plein de questions qui me sont venues en tête. Ce sont en fait de nouveaux locaux qui vont offrir un tout nouveau volet aux activités d'Engram. Donc, je garde le mystère. Là, Armelle pourra nous en parler un petit peu plus. Oui, le mystère Méduse qui commence à s'éclaircir petit à petit. Simon Roy, cette semaine, nous propose de la musique de Trois-Rivières. Ah, t'as de la chance, toi! c'est Yearly, donc un projet musical. Donc, c'est de la musique ambiante, comme toujours, là, pour nous faire des beaux pans musicaux agréables. Donc, on a cet artiste-là de Trois-Rivières qui joue habituellement dans le hip-hop, mais là, on est vraiment dans l'instrumental, des belles ambiances. Et on commence avec la pièce tantôt. Mmh. retour à l'aérospatiale et on a avec nous en studio Morgane Duchesne-Ramsey, bonsoir. Bonsoir. Et Anne-Marie Ouellette, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous présentez ce projet Contingence au Centre d'artistes Le Lieu. C'est un projet, on a un dispositif, une structure aménagée pour pratiquer différents savoir-faire et on a également un aspect plus participatif. Vous avez fait un atelier aussi, je crois. Et parlons de l'atelier. Il y a eu un atelier le 23 novembre dernier. Comment ça s'est passé? Oui, Morgane? Oui, en fait, les gens étaient invités en petit nombre à venir nous rencontrer pour nous parler, eux, s'ils pratiquaient un savoir-faire de l'ordre du hobby ou pour leur économie familiale ou domestique, mm-hmm. personnelle. Puis en fait, l'intérêt de cet atelier-là, c'était d'échanger sur pourquoi ces gens-là pratiquent ce savoir-faire-là, comment est-ce qu'ils intègrent ça dans leur quotidien. Est-ce qu'ils ont des réflexions politiques par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont des réflexions par rapport au système économique dans lequel on est? Est-ce qu'ils ont des réflexions féministes? Donc, c'était un peu comme un atelier pour essayer de situer où les gens étaient par rapport à cette pratique de savoir-faire-là. Donc, on était plus dans un partage conceptuel qu'un partage manuel? Au début, c'était plus la manuelle, oui. Puis après ça, la conversation s'est tirée plus au niveau conceptuel. Donc, ça, c'était pas quelque chose de planifié, c'était quelque chose qui s'est fait de manière fluide, dans le fond? Les conversations en sont venues à parler d'un aspect plus politique autour de ces différents savoir-faire. Ben, en fait, le but premier, Morgane l'a dit, c'est ça, c'est de partager des savoir-faire que chacun pratiquait. Donc, on avait des savoir-faire différents. Mm-hmm. Mais l'idée, c'était vraiment de mettre en commun les gens. Certaines personnes nous ont montré comment fabriquent, par exemple, des paniers avec des circulaires recyclés ou le tricot ou nous-mêmes aussi, là, quelques pratiques de savoir-faire qu'on a développées. Donc, l'idée, c'était vraiment d'amener ce prétexte à la rencontre et à la discussion et qui a amené des discussions, justement, autour du temps. Quel est le rapport au temps entre un savoir-faire manuel, une pratique manuelle où on va fabriquer soi-même des objets à la place de les acheter, donc des convictions aussi que certaines personnes ont de ne pas consommer mais de trouver des solutions pour pallier à ne pas aller acheter un objet mais plutôt le produire soi-même. Puis ça a été beaucoup justement autour du temps, c'est comment on prend le temps, où on a le temps, qui a le temps de faire soi-même, d'avoir des pratiques manuelles. C'est un peu ça, c'était un des aspects C'est l'aspect qui est un peu ressorti de cet atelier participatif du 23 novembre dernier. Mm-hmm. Le temps qu'on peut libérer, si on veut, pour pouvoir fabriquer des choses. Vous, votre projet Contingence qui est présenté au lieu, comment est-ce que vous en êtes venu à travailler ensemble sur ce projet-là? Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez ensemble? Oui, c'est la première fois que vous travaillez ensemble. Et comment, j'imagine que vous connaissiez déjà avant, vous connaissiez la pratique l'une de l'autre ou... Ben en fait, on s'est rencontrés à un événement de tissage à Cabane 77, où on faisait un gros tissage en groupe. Puis Anne-Marie et moi, on s'est mis à parler. Puis en fait, on avait des questionnements communs par rapport à qu'est-ce qui constitue notre pratique artistique, puis qu'est-ce qui constitue plus notre travail alimentaire, puis aussi qu'est-ce qui constitue plus notre travail domestique. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de travailler en commun, parce que les deux, on avait des pratiques un peu parallèles de choses qu'on faisait plus pour nous, pour notre famille, pour sauver de l'argent, sauver... Sauver l'environnement. sauver du temps, sauver de l'argent, sauver l'environnement. C'est ça. Il y avait comme un peu une. On se demandait comment intégrer ça dans notre pratique artistique parce qu'il y avait quand même une distance avec qu'est-ce qu'on faisait de façon plus utilitaire, puis notre pratique artistique qui était plus conceptuelle. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rencontrer. Mm-hmm. Puis on s'est partagé différents savoir-faire depuis un an et demi à peu près. Donc ça fait un an et demi que vous travaillez sur ce projet-là, puis vous vous rencontrez toutes les deux et vous échangez ce que vous connaissez, ce que vous savez faire. Ben on s'est échangé au départ plutôt ce qu'on savait faire. Oui. Donc Morgane a fait beaucoup de courtes pointes, mm-hmm. donc m'a échangé ses techniques et ses savoirs. Moi je pratique de façon autodidacte l'herboristerie puis la savonnerie artisanale. Fait que ça c'est une pratique que j'ai depuis longtemps, c'est des intérêts, mais qui font pas partie de ma pratique artistique. Ouais. Puis l'idée, c'était justement de voir comment ces savoir-faire peuvent intégrer la pratique, puis qu'il n'y ait pas de distinction entre ce qu'on fait de manière utilitaire, ce qu'on fait pour l'espace domestique, pour la famille, comme Morgane a dit, et voir comment on pouvait allier ces pratiques-là et ces réflexions. Puis après, petit à petit, on a commencé à partager ensemble aussi, à apprendre ensemble des nouveaux savoir-faire, parce que on se disait l'herboristerie est compatible ou est l'allié de la vannerie, donc on a besoin de paniers pour ramasser, cueillir des plantes. Fait qu'on s'est intéressé à la vannerie, on s'est intéressé à l'impression textile. Mais il y a des choses aussi qu'on avait chacune aussi déjà explorées avant, peut-être qu'on n'intégrait pas nécessairement. Les solidifier un peu plus. C'est ça, fait que c'était ensemble d'aller plus loin. Puis justement, c'est toutes ces pratiques-là qu'on a mis en commun, qu'on s'est partagées, qu'on a appris aussi à travers des tutoriels, parce qu'on est, on peut apprendre beaucoup de choses et se former soi-même avec Internet. Oui. Et l'idée, c'est ça, c'est on a tout mis dans l'exposition, en fait. Si là, je fais peut-être un grand bond vers l'exposition, mais c'était cette idée-là de mettre. Mais on peut revenir sur ce qu'on se disait, mais c'est ça, c'était de mettre ensemble toutes ces pratiques qu'on s'est partagées. De créer une installation qui est une station de travail qui regroupe plusieurs stations. Donc, on a une station d'impression textile, une station cuisine qui peut aussi servir pour l'herboristerie, pour la savonnerie, une station couture. Et l'idée, c'est tout ça se côtoie, se mélange. Il y a un séchoir pour les plantes. Mm-hmm. Différents éléments dans une même structure. Donc, l'idée, c'était un peu de voir comment tout ça cohabite ensemble, puis comment on passe d'une production, d'une pratique à l'autre, et de l'amener dans le milieu de l'art, dans la salle d'exposition, puis de pouvoir aborder ces questions-là de travail manuel, artisanal, de savoir-faire, puis quelle place ça prend, comme on a dit, dans nos vies, mais aussi dans cet espace... dans l'espace de l'art aussi. Et ce dispositif multifonctionnel, il est quand même assez compact. Mm-hmm. Tu sais, il y a quelque chose de très. Vous avez étudié une certaine ergonomie à l'intérieur de tout ça, parce qu'il est comme, il y a quelque chose, c'est parce que les savoir-faire, c'est des gestes qu'on pose, c'est des mm-hmm. gestes qu'on va poser parfois à répétition, parfois à différentes étapes. On dirait qu'il y a comme une espèce de réflexion aussi sur une espèce d'ergonomie d'ensemble, de pouvoir allier toutes ces pratiques, ces savoir-faire-là. Mm-hmm. Ben c'est quand on a construit l'installation qu'on a fait au fur et à mesure. Mm-hmm. Donc on avait déjà des tables, puis après ça on a monté les morceaux de bois au fur et à mesure, puis là on décidait cet endroit-là va être dédié à telle pratique, puis l'autre à telle autre pratique. Donc puis en le faisant, on voyait comment ça serait fluide pour nous de travailler dans l'espace. Donc ça s'est fait au moment de l'installation. Et je vais revenir, Anne-Marie, sur cette façon-là que vous êtes allée chercher beaucoup de savoir-faire via les tutoriels, mm-hmm. sur des vidéos, sur Internet. Un des éléments qui est central dans votre projet Contingence, qui est présenté au lieu, c'est de le partager en personne avec d'autres personnes. Mm-hmm. C'est quoi la différence entre les deux, entre aller vers un tutoriel ou vers une personne réelle? Parce que j'ai l'impression qu'il y a de ça, de revenir vers le partage d'une personne à l'autre. Mm-hmm. Mais on se pose beaucoup cette question aussi parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui, avec le temps, se sont perdus, des savoir-faire familiaux, ancestraux, qui étaient passés d'une grand-mère à une fille, à une petite fille. Puis ces savoir-faire-là se sont perdus pour plusieurs. Là. Bon, il y a encore toujours... j'ai appris à faire des conserves avec ma mère, mais je veux dire, il y a des choses qui se sont perdues dans le temps. Puis il y a maintenant... Je pense qu'on est aussi dans un modèle où on a tendance à on veut revenir un peu aux racines, à l'essentiel. Là. Je pense qu'il y a comme une tendance actuelle. Mais justement aussi, on est bombardé de possibilités de pouvoir apprendre à faire des choses, autant par des tutoriels, mais des tutoriels, il y en existe plusieurs, des fois fait de façon où c'est pas bien fait, en fait, où on peut apprendre ou ne pas apprendre correctement. Désapprendre. Oui, c'est ça. Puis en même temps, il y a aussi une explosion, si j'exagère un peu, mais de lieux collaboratifs aussi où on est sur ce modèle-là de vouloir se partager des savoir-faire dans des lieux, des ateliers collaboratifs, par exemple. Donc, il y a un retour à ce partage de savoir-faire de personne à l'autre, qui sont aussi des fois des modèles où on paye, puis on va faire un atelier de confection textile, faire un coussin, apprendre la technique parfois est plus de l'ordre de l'expérience d'aller faire un coussin une journée et après, on va peut-être pas l'intégrer dans notre vie, tandis que d'autres fois, on peut aller justement apprendre à faire du savon dans un atelier spécialisé, par exemple. Mais oui, ce rapport à l'autre, en fait, c'est que le partage de savoir-faire, je pense qu'il n'est pas... quand on le fait avec quelqu'un, quand on le fait en groupe, quand on se réunit pour le faire, c'est pas juste le partage de ce savoir-faire qui se passe. Il y a d'autres choses. Il y a des conversations. Il y a des conversations de l'ordre de l'intime qui prennent place. Il y a des conversations politiques. Il y a de l'information qui circule parce qu'à un moment donné, quand tu sais faire le geste, ben t'es plus dans le geste, la transmission de savoir, t'es dans la répétition. Puis là, ça laisse place justement, autant quand on travaille seul, à une réflexion qu'on peut... ça laisse aller nos pensées. Ça devient méditatif. Mais quand on est avec d'autres aussi, ça laisse place à la discussion puis au partage. Ouais. Donc, l'aspect lien social qui se renforce. Avais-tu quelque chose à ajouter, Morgane, là-dessus? Moi, je pense que c'était quand même un intérêt pour nous d'avoir les jours de présence en galerie, puis faire les ateliers de partage pour justement créer des moments où on serait en contact avec les autres, puis que les traditions ils seraient partagées par l'oralité. Puis je trouve que ce moment-là est vraiment spécial, puis on rentre vraiment en communication avec les autres, puis on n'est pas forcément avec des gens qui sont tous dans le même milieu que nous, puis il y a vraiment un vrai contact qui se passe, puis moi ça m'intéresse beaucoup, puis Ben on va prendre une courte pause audio, puis on va poursuivre la conversation après. Donc on va y aller avec encore et toujours une pièce de Yerli. je regarde Myriam, je sais pas pourquoi. Ça s'appelait Chemise haut dans quelques instants on vous revient avec cette conversation autour du projet Contingence. We'll be right back. toujours à l'aérospatiale. On a en studio avec nous Morgane Duchesne-Ramsey et Anne-Marie Ouellette et on parle de ce très beau projet Contingence qui est présenté au Centre d'artistes Le Lieu. Un projet de partage de savoir-faire typiquement féminin, des savoir-faire de l'ordre de la fabrication traditionnelle. Et on parlait en tout début de conversation que vous deux, Morgane, Anne-Marie, vous allez avoir des présences en galerie. Il y en a une qui débutait aujourd'hui. Il va y avoir également une plage la semaine prochaine. En quoi va consister ces présences en galerie? Est-ce que ça va être de l'ordre de la performance ou vous êtes tout simplement en train de fabriquer des choses? Les gens arrivent, vous discutez? Mais en fait, justement, on est en action, donc on active cette station qu'on a transposée là, dans l'espace de la galerie. Donc, on est en action, en train de fabriquer des choses. Aujourd'hui, par exemple, on a fait du macramé. On essaie aussi de détourner les objets. On a fait un filet en macramé qui devient le filet d'un bol cul de poule pour faire un bain-marie. Oui. Mais le bain-marie va aussi servir à teindre le macramé. Fait qu'on essaie aussi justement dans cette station-là de combiner tous les usages puis de les détourner. Mm-hmm. Fait qu'on est plus, on est en action dans l'espace. Fait que les gens sont invités à rentrer, à venir voir ce qu'on fait, à venir discuter avec nous. Puis justement, souvent, c'est notre présence ou le fait que les gens reconnaissent des objets comme la vieille machine à coudre de Morgane, des morceaux de courtepointe qui ont commencé à être assemblés. Mais les gens se sentent interpellés par un objet ou une chose qui reconnaissent. Des fois des pratiques qu'ils ont déjà fait ou des pratiques qu'ils ont vues dans leur famille, fait qu'ils se sentent interpellés. Puis là, c'est comme ça, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est comme ça qu'on a eu accès à des gens qui sont venus dans la galerie, à qui on a aussi partagé certains savoir-faire, puis nous ont aussi partagé leur expérience du travail manuel, puis la place que ça prend dans leur vie. Donc on est beaucoup dans l'ordre de la remémoration dans ce qui se passe dans les gens qui viennent vous rencontrer. Mm-hmm. Et il y a Myriam là qui me colle à l'oreille. Donc Myriam Leland, tu avais également une question pour Morgane et Anne-Marie, tu peux te lancer. Ben oui, mais moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne, tout ce dont vous parlez, ça me fait beaucoup penser à l'histoire l'histoire des femmes qui ont une fonction dans la société, puis c'est un peu ça qui a motivé toute la crainte des sorcières. Un peu, on en parlait hors d'onde, de la puissance des femmes à travers le savoir-faire, justement, parce que ça crée une autonomie qui menace le capitalisme un peu, qui dépend justement de la dépendance des gens. Puis je me demandais justement, parce que vous parliez de politique tantôt, je crois que vous collectez des données aussi, des gens qui vous apprennent des choses à travers ça et vous apprenez des choses aux gens aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui était là à la base, cette idée-là de féminisme, un peu du savoir-faire? Oui. De plusieurs façons. Entre autres parce que ces pratiques-là sont liées à l'histoire des femmes, à l'histoire de nos grand-mères, des femmes qui nous ont précédées dans l'espace domestique aussi. Aussi parce que c'est un travail qui est pas visible dans la vie, le travail domestique. Donc, c'est comme des choses qu'on a très longtemps pris pour acquis, qui étaient faites, qui n'était pas quantifié dans l'idée du travail. Alors que le capitalisme est basé sur un travail invisible à la maison, justement. Voilà, oui. Puis aussi... Peux-tu répéter la question? Oui, ben oui, il n'y a aucun problème. On va prendre une pause publicitaire. Bien sûr. On va continuer dans quelques instants. KRL. Communication. Culture. Dans le numéro d'automne de Nuit Blanche, le livre jamais lu du poète Michel Plot. Assis sur ma galerie du quartier Saint-Jean-Baptiste, j'ai une superbe vue sur les Laurentides. Montagne, je vous écoute. La poète Ilnou Marie-André Gill et Je suis une maudite sauvagesse. Vivre ce paradoxe m'est souvent insupportable, mais je continue quand même pour la seule raison que je suis née dans ce monde. À découvrir, entre autres, une entrevue avec Caroline Georges, Notre-Dame littéraire, Paroles vivantes. Abonnez-vous, nuitblanche.com. Vous semblez pas comprendre à quel point la situation dégénère rapidement. On s'en fout, on veut des résultats. J'ai mis 60 000 $ pour la propriété et là, je me fais dire qu'il n'y a plus rien à faire avec la bâtisse. Écoutez-moi, vous devez partir. C'est un nouvel écosystème qui gruge vos murs. C'est un peu comme si les algues se préparaient au pire. Comme si elles savent qu'on va bientôt être plongé dans le noir. Du 10 au 15 décembre, le Conservatoire d'art dramatique de Québec présente La Fosse des Mariannes, une création des finissantes et finissants dans une mise en scène d'Olivier Normand au Théâtre du Conservatoire. Réservation au 418-643-9833. Prendre un métro vide, ça commence toujours bien la journée. Et faire le vide, ça fait tout le temps plaisir. Mais avoir le ventre vide, ça, c'est moins drôle. Chaque année, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manquent de denrées. Textez « remplir » au 20222 pour faire un don de 10 $ à la Guignolée des médias ou directement chez Provigo, Maxi, Jean Coutu et Via Capital. Le 19 décembre, au Grand Théâtre, assistez à la toute dernière représentation du spectacle « Viens avec moi » des Hôtesses d'Hilaire. Cet opéra rock déjanté, sur fond de rock psychédélique, influencé par la musique des années 70, est une épopée rocambolesque, avec pas moins de 13 personnes sur scène. Voyez Les Hôtesses d'Hilaire, le 19 décembre, au Grand Théâtre de Québec. La tournée de la veillée des fêtes de karaté est de retour. Invité les 7 décembre, Saint-Jean-de-Port-Joli. 12 décembre, Almo. 13 décembre, les Escoumins. 14 décembre, Jonquière. 20 décembre, Frérichburg. 21 décembre, Carbonne. 27 décembre, Québec. 28 décembre, Masquinongé. 30 décembre, Saint-Casimir. Les deux albums de karaté sont disponibles maintenant en magasin et en ligne. Rebonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. On est toutes excitées d'être en studio, là. C'est pour ça que j'ai lancé à Morgane la question du siècle avec 14 000 éléments. Mais en fait, Morgane, t'as déjà répondu à la question à merveille. Comme tu le disais, c'est très féministe, très anticapitaliste. Puis on vous remercie vraiment d'avoir été avec nous en studio. C'était super intéressant. Merci. Et il y a également un finissage et une discussion dans le cadre de du projet Contingence. La discussion va avoir lieu le 14 décembre à midi. Oui, c'est ça. Et le finissage, c'est le 13 décembre. Donc, on a un finissage d'abord et la discussion oui. ensuite. On va pouvoir avoir l'occasion d'aller voir. J'imagine qu'on va pouvoir aussi voir l'évolution de tous les éléments que vous avez fabriqués tout au long de la résidence, exposition. Oui, c'est ça qui a pris, qui s'est transformé avec, avec nos occupations. Ouais. Ben merci beaucoup, Morgane Chêne-Ramsey. Merci, Anne-Marie Ouellette. Merci. Et nous, on va enchaîner avec une entrevue avec Sarah Chouinard-Poirier, qui est au bout du fil. Oui, allô? Allô, Sarah, ça va bien? Ça va, gentillement, et toi? Oui, ça va bien. Sarah Chouinard-Poirier, tu présentes le projet Index à Regard. C'est un projet qui a émergé là, déjà il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous parler de où est-ce que c'est parti, d'où est-ce que c'est venu ce projet-là et où est-ce que tu en es en ce moment? Oui, en effet, c'est en fait un projet qui est sorti, disons, et a émergé d'une situation plutôt banale de la vie, ce genre de situation où on parle pour parler, on dit un peu n'importe quoi, puis dans le fond, c'est ça, j'avais un ami à l'époque qui m'avait envoyé cette boutade où il me disait simplement que ben il n'y avait pas de grandes œuvres littéraires écrites par des femmes. Fait que... Bon, évidemment, moi, je suis friande de littérature, mais bon, pas plus que ça. Je travaille pas en littérature, ou tu sais, je suis pas écrivaine, hein, ni critique littéraire, ni rien. Mais bon, ça, c'est, ça m'avait fâchée, évidemment. Je me disais bien sûr que ce n'était pas vrai, mais sans non plus pouvoir rétorquer sur le coup, puis sortir la liste des grandes œuvres pour moi, là, écrites par des femmes. Alors, j'avais mijoté là-dessus, puis j'étais arrivée, dans le fond, avec l'idée d'un projet. Et puis, donc, j'ai rassemblé, en fait, 100 collaboratrices qui sont, certaines des amies, certaines des membres de ma famille, certaines des personnes que j'avais jamais rencontrées, mais dont j'admirais beaucoup le travail, des gens avec qui je me sentais un certain lien de communauté. Et puis donc, j'ai rassemblé 100 personnes à qui j'ai demandé une question très simple qui est quel livre écrit par une autrice, une personne femme ou queer, dans le fond une personne non homme, vous a marqué? Donc, quel est votre livre fétiche, donc, ou bien celui que vous souhaiteriez sortir de l'oubli? Donc, à cette question-là, les 100 personnes ont répondu en me suggérant chacune un livre. Et puis donc, j'ai cette bibliothèque depuis de 100 livres. Ça fait bientôt 2 ans. Et mon projet, c'est de lire les livres au complet, donc de la page de la première page à la dernière, dans un contexte public et radiodiffusé. Donc, je diffuse mes lectures sur une radio en ligne. Donc, c'est un projet qu'on peut suivre souvent en galerie, mais également de la maison. On peut écouter les lectures à la maison. Donc, pour moi, c'est un projet où je découvre les choses, où je découvre des œuvres de la littérature. Il y en a que j'ai déjà lu, il y en a que j'ai jamais lu, que dont j'avais jamais entendu parler. Donc, je m'éduque et c'est un peu ce processus public-là que j'essaie de partager dans différents contextes artistiques. Donc, ce projet a été présenté là, à plusieurs reprises dans le passé. Et là, cette fois-ci, tu as fait plusieurs performances à regard dans la vitrine. Et on peut te suivre en direct sur index.ca. Et en quoi c'est important pour toi, Sarah Chouinard-Poirier, de passer par ce médium radio, je dirais, par l'oralité pour le désoubli de ces œuvres littéraires féminines? Ben c'est sûr que moi, bon, je suis une artiste de performance. Dans mon travail, j'ai un grand intérêt pour l'oralité comme mode de transmission. C'est sûr que bon, il y a plusieurs aspects. Premièrement, tu sais, je pense qu'il faut pas présumer que premièrement la population du Québec est à 100% alphabétisé, c'est pas vrai. Il y a quand même 50% de la population qui sont des analphabètes fonctionnels, malheureusement, malgré tout. Il y a quand même des failles dans notre système d'éducation. Puis, je souhaitais que ces lectures-là soient accessibles au plus grand nombre. Donc, il suffit d'avoir quand même accès à une connexion Internet, c'est certain. Mais donc, je souhaitais un peu démocratiser ces choses-là, ces lectures-là. Puis également, pour moi, c'est une façon de mieux comprendre les choses, la lecture à haute voix. Donc, c'est vraiment comme une façon d'entrer en rapport directement avec la littérature, de la confronter à ma sensibilité. Quand on dit les choses à voix haute, je trouve que tout résonne autrement. Hein. C'est vraiment une façon différente de lire. Puis, je suggère aux gens de faire l'exercice. Là. Puis, c'est sûr que c'est une façon de lire qui est plus longue, mais pour moi, qui s'imprègne plus profondément, disons, en moi. Là. Oui, c'est un exercice qu'on fait plus souvent quand on a des enfants. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas d'enfants, mais j'imagine en effet qu'on doit redécouvrir ce plaisir-là quand on a des enfants. Et donc je disais le ton cycle de performance dans le cadre de l'occurrence de du projet Index à regard est terminé. Mais tu me disais que tu vas faire une édition spéciale demain. Après-demain. Le 6 décembre, le fameux 6 décembre. Est-ce que tu peux nous parler de quelle va être la nature de tes lectures pour commémorer l'événement de Polytechnique? Oui, c'est ça. Donc, pour commémorer, c'est les 30 ans là, de Polytechnique. J'ai une collaboratrice qui s'appelle Diane Trépanière, qui est une artiste. Et une autrice également, une organisatrice communautaire qui a écrit un très beau livre qui date un peu déjà à remue-ménage. Et donc, Diane, quand je l'ai invitée à choisir un livre, elle a choisi son propre livre qu'elle a écrit puis qu'elle trouve qu'il qui n'est pas assez lu, qui ne circule pas assez. Et c'est donc un livre à la mémoire de la tuerie de Polytechnique qui s'appelle Un cri des voix, un chant à la mémoire de Polytechnique, qui est publié au Remue Ménage. Donc, je vais poursuivre la lecture de chez moi puisque je ne suis plus en direct de Lévis, mais je vais faire une lecture de ce livre-là pour commémorer Polytechnique. Donc, mon projet, des fois, c'est ça, je joue avec, il est assez simple puis assez protocolaire, mais je m'amuse avec quand j'ai quelque chose à dire, quand je pense qu'il y a des choses qui doivent être soulignées, comme par exemple, cette semaine, j'ai fait une petite lecture impromptue d'un livre de Maud Veilleux, là, que j'ai appelé mon petit offre index, parce que c'est pas un livre qui était à mon index, mais j'ai dit, mm-hmm. Bon, ben, moi, je vais le choisir, ce livre-là, parce que c'est encore une fois un livre qu'on a traîné dans la boue pour plein de raisons qui, pour moi, m'apparaissent antiféministes. En fait, c'est le livre de Maud qui s'appelle Prague, a été sélectionné parmi les sept romans les plus importants de la décennie au Canada par Plus on est fou, plus on lit. Et puis, le fameux critique Christian Demel, là, qui l'a ramassé sur Twitter. Puis, j'avais le goût de réagir. Des fois, on n'a pas les outils pour, on sait pas comment réagir. Ben, moi, ça devient un peu un réflexe, la lecture, la transmission. Puis ça me permet de poser des questions aux gens, là, puis les faire réfléchir à c'est quoi en fait le pouvoir symbolique de la critique, comment les critiques nomment et décrivent qualitativement différemment des œuvres écrites par des femmes de des œuvres écrites par des hommes. En fait, je pense que c'est assez probant que le milieu littéraire est assez androcentré, là, puis c'est ça que mon projet essaie de démonter. Donc, par différentes occurrences, j'essaie de me confronter à ces questions-là. Et en terminant, Sarah Chouinard-Poirier, le 14 décembre, à Regard, oui. Il va y avoir un atelier discussion sur la web radio alternative qui se nomme « La radio est-elle dangereuse? » Donc, c'est toi, Sarah Chouinard-Poirier, et la réalisatrice Marie-Laurence Rancourt qui vont animer cet atelier. Est-ce que tu peux nous glisser quelques mots sur l'atelier en terminant? Oui, c'est ça. Donc, ça va être un atelier vraiment collaboratif. Marie-Laurence et moi, on est des grands amis depuis longtemps, puis on travaille les deux avec le médium de la radio, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Donc, ça va être le fun parce que toutes les deux, on a des perspectives définitivement féministes sur l'utilisation de la radio. Et puis, donc, on va engager avec les gens une discussion autour du potentiel féministe et subversif de la radio. C'est ça. C'est quoi les différents potentiels? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que pour moi, je pense que le médium radio, c'en est un qui nous éloigne un peu de cette consommation de masse, de spectacle qui est plus de l'apanage de la télévision, puis qui peut donner de l'espace et à plusieurs voix différentes. Malheureusement, c'est beaucoup le même type de discours qu'on retrouve souvent, disons plus dans la radio commerciale, mais il y a des discours très populistes qui sont propagés par la radio. Puis moi, je me demande, ben, comment on peut réapproprier la radio pour faire passer des idées, puis pour en faire quelque chose, un espace, un safe space pour la réflexion. Puis donc, on va essayer avec les gens de discuter de ça. On va avoir une première partie qui sera discussion. On va faire également une séance d'écoute de différentes créations radio. Et puis ensuite, on va vraiment faire un atelier terrain avec les gens où tous les participants vont avoir la chance de créer une petite capsule radio en notre compagnie. Donc, ça peut prendre différentes formes selon les intérêts des gens. On va travailler avec de l'archivage du réel, comme en mode, disons, plus de recherche, d'entrevue, en mode littéraire également. Ça va être vraiment selon les intérêts des gens qui seront présents. Puis, on va travailler avec eux pour leur montrer également comment on fait pour se faire une radio en ligne à la maison. Moi, c'est quelque chose que je connaissais même pas avant de faire ce projet-là, puis c'est pas sorcier, sauf qu'il faut le savoir. Fait que c'est ça, ça va me faire vraiment plaisir de transmettre ça puis de partager avec les gens. Donc, l'atelier, je le répète, va avoir lieu le 14 décembre de midi à 14h15. Les places sont limitées. Je vous annonce en exclusivité qu'il en reste seulement deux. Wow! Et vous pouvez communiquer avec le Centre Regard pour vous inscrire. Merci beaucoup, Sarah Chouinard-Poirier, pour ce bel entretien. Et on va aller en pause audio encore, toujours avec une pièce de Yerli. Bienvenue à l'Aérospatial, magazine sur les arts visuels à Québec. En studio, moi-même, Myriam Leland, Jean-Tienne La France. Bonsoir. Et Armelle François. Oui, bonsoir Armelle, donc directrice générale et artistique d'Engram. Et ce soir, Armelle, tu es venue nous parler de la pilotine. Oui. Puis là, je te lance à froid comme ça, c'est quoi la pilotine? Qu'est-ce que c'est que la pilotine qu'on est en train de monter ou qu'est-ce qu'est une pilotine? Ben, on doit parler des deux, naturellement, parce que je présume que le nom a été choisi pour une raison. Oui, en fait, donc la pilotine, c'est un petit bateau pilote qui amène le pilote sur les gros navires qui doivent passer, entre autres, sur le fleuve Saint-Laurent. Et ça, pour moi, en tant que fille du bord de mer, je viens de Brest, en Bretagne, ça a toujours été important. C'est des gens qui sont importants, qui permettent une navigation sécuritaire partout et qui ont des connaissances de leur milieu très intéressantes. Et je trouvais que cette image de petit bateau pilote qui accompagne autre chose est très belle par rapport à Engram, qui est quand même un assez gros navire bien établi. Et là, on voulait ajouter cette option médiation culturelle, donc qui est la petite chose qui arrive à côté en plus, mais même qui va naviguer avec. Ça fonctionne, parce qu'Engram est comme à la pointe de Méduse. Aussi, oui, souvent comparé à un bateau. Oui, j'avais pas pensé à cet aspect-là. C'est ça. Donc, ça marche. Et c'est rendre hommage au fleuve qui est partout aussi. Mm-hmm. Donc, on l'aime et ça fonctionne bien. Ouais. Donc là, on parle le projet la pilotine et non le petit bateau. Donc, le projet, on parle de médiation. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on va y voir? Qu'est-ce qu'on fait à la pilotine? On a de grandes ambitions, donc vous allez y voir énormément de choses au fur et à mesure du temps. Mais pour l'instant, on parle on a de la médiation avec les écoles. Donc, on fait de la médiation dans ce lieu-là. On en faisait chez Engram directement, mais on va en faire dans ce lieu-là qui est à son tout petit démarrage. Mais on en fait aussi dans les lieux qui nous invitent. Donc, on peut faire de la médiation avec des jeunes dans les écoles. On va, en fait, là, on a commencé avec les garderies aussi. Donc, on commence tout petit à 3 ans et ça fonctionne. C'est fabuleux. Et on peut aller vraiment... jusqu'à n'importe quel âge adulte. En fait, il n'y a pas de contraintes spécifiques. On a été vers un petit peu tous les publics, des personnes ayant certaines déficiences, certains types de handicap très particuliers. Ça marche aussi, donc on s'adapte à chaque fois aux besoins de la personne. Mais l'idée d'un médiateur, c'est qu'il est toujours là pour faire le lien entre la personne qui reçoit l'information et la matière elle-même, la technique qui est présentée, puisque dans notre cas, c'est une technique, donc, ou des techniques. Donc, c'est vraiment ce lien-là qui se fait à chaque fois, qui se fait de manière particulière en fonction du besoin de la personne ou des lieux dans lesquels nous sommes. Donc là, la pilotine, c'est un lieu qui va servir à ces activités de médiation-là ou ce sont plutôt les bureaux pour prévoir cette programmation-là? C'est vraiment un lieu qui nous permet ça aussi. Oui, il va y avoir des bureaux, évidemment. Naturellement. On en a toujours un peu besoin. Ça en mais prend. C'est vraiment l'idée d'un lieu. En fait, à la base, on s'est mis à faire de la médiation depuis plusieurs années déjà. C'est ça, vous en faites déjà. Donc, oui. C'est comme la continuité de ce mandat-là que vous vous êtes donné. C'est ça. C'est pas nouveau. C'est assez présent déjà pour des intérêts personnels. Et puis, au fur et à mesure, c'est ça, on s'est rendu compte que c'était très efficace, que ça allait très bien avec le mandat que l'on avait au point de départ, que l'estampe est quelque chose qui est... Les gens sont très curieux, en fait, de savoir comment ça marche. Il y a un petit côté magique à l'intérieur de ça, de découvrir ce qu'on a fait. Donc, ça s'adapte bien à beaucoup de monde. Et donc, on le développait de plus en plus. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'en développant ça, on développait aussi la capacité de nos artistes à vivre de leur pratique. Donc, une pratique indirecte. Mais il y en a pour qui la médiation est directement dans leur pratique aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et là, à force de le développer, on s'est rendu compte qu'on prenait de l'espace pour préparer tout ça. On a besoin des ateliers, donc on prenait vraiment la place des artistes professionnels dans l'espace de travail, ce qui commençait simplement là, à créer quelques petits conflits. Donc, on ne voulait pas se rendre à avoir des conflits majeurs. En donc prenant vous avez, tout l'espace. Prévenu au lieu de guérir. Voilà, tout à fait. Donc, d'où l'idée d'avoir un autre espace où on sépare les choses et le besoin d'avoir un autre nom pour bien savoir de quoi on parle. Donc, ça reste en gramme de toute façon, mais c'est ça, c'est cette petite chose de plus qui est là pour accompagner, comme un médiateur accompagne dans le cadre d'une technique comme celle-là. Là. Donc, je prends le temps de le répéter parce que je crois qu'il y a eu une certaine confusion. On en parlait hors d'onde. Donc, Engram reste dans les mêmes locaux chez Méduse, à la poupe de Méduse. Oui. Et la pilotine, c'est simplement un ajout qui est dans le bâtiment juste à côté d'Engram. C'est bien ça? C'est exactement ça, sauf que moi, je dirais que Engram est à la proue et non à la poupe. Oh, d'accord. pardon. Mon héritage breton est un peu plus loin que le tien. Non, ça dépend juste dans quel sens on prend le navire oui, ou le bâtiment. C'est ça. Puis, donc, on parlait justement des artistes professionnels qui intègrent déjà la médiation à leur pratique. Oui. Je pense entre autres à Gabrielle Bélanger qu'on a reçu tellement de fois ici, qui travaille beaucoup avec la carriole, qui a travaillé avec la carriole bis cet été, qui est une carriole transportable, une carriole de voyage. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que ce sont des choses qu'on va voir à la soirée d'ouverture? C'est un après-midi d'ouverture. Un après-midi d'ouverture, c'est vrai. Mais oui, on va avoir les deux mini-carrioles qui sont deux autres types d'accord. de carrioles. Celles qui étaient dans les parcs de Charlebourg pendant l'été. Donc, c'est celles-là qui vont être présentes parce qu'elles sont très pratiques, en fait, d'utilisation et qu'elles peuvent... Effectivement, elles sont faites pour être à l'intérieur aussi, comme à l'extérieur d'ailleurs, mais ça va être celle-là. Il va aussi y avoir des démonstrations en lithographie sur plaque polyester. OK. Ça, c'est une autre technique, celle qu'on avait utilisée au musée naval l'été dernier aussi. Donc ça, c'est vraiment on est dans le début de ce genre de choses. On essaie vraiment de présenter toutes les techniques de l'estampe. C'est vraiment notre but. Donc, pour l'instant, on a sérigraphie, lithographie, mais on voudrait aussi avoir gravure. Donc, on peut faire de petites choses en gravure, mais l'inconvénient, c'est que ça demande des matériaux qui sont assez onéreux en général. On n'ira pas vers la gravure avec acide, évidemment. Là, on ne parle pas du tout de ça. Et d'ailleurs, dans ce local-là, tout est prévu pour être non toxique, sans émanation, le moins de produits nocifs possible. Donc quelque chose de, j'allais dire quelque chose de très familial. On espère que ce soit nocif pour personne, mais oui. On pense surtout aux enfants dans ces cas-là. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Bon. C'est bien. Puis est-ce que vous allez continuer la médiation comme on parlait dans les écoles avec différents publics à travers tout ça? Oui. D'accord. On a toujours des projets avec les écoles. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a un intérêt marqué pour ce genre de choses, puis on essaie vraiment de développer des choses nouvelles à chaque fois. Donc, on nous demande des activités particulières et la Ville de Québec peut nous proposer des choses spécifiques aussi dans des lieux particuliers. Donc, ça peut être des fois un petit peu confrontant parce que c'est des choses qui sont plus grosses que ce qu'on aurait pu penser tout seul, finalement. Là. Ils arrivent avec des propositions assez fascinantes. Là. Il faut y répondre. Donc, ça c'est fabuleux. C'est des belles opportunités. Tout à fait. C'est ça. Jamais on n'aurait pensé travailler avec la Grande Hermine et être avec tous les élèves de l'école. Là. Jamais on n'aurait pensé ce genre de choses. Mais on l'a fait parce qu'on nous l'a proposé. Puis, on a apprécié énormément. Et je pense qu'on a bien rendu ce qu'on avait à faire aussi. Mais par exemple, là, en ce moment, on est en train de travailler un projet en collaboration avec Avatar. Oui. Pour un autre membre de l'organisme Méduse. On développe la sérigraphie, mais vraiment dans sa pluralité. Donc, on essaie de faire de la sérigraphie simple pour bien comprendre le procédé, mais au bout d'un moment, d'aller vers des choses beaucoup plus développées, si on veut. Donc, on va travailler les circuits imprimés, donc avec une encre conductrice. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut travailler du son, de la lumière, on peut travailler beaucoup de choses avec ça. Et sinon, on veut aller aussi vers de la réalité augmentée. Donc, on a déjà travaillé, par exemple, nous, on a eu des ateliers avec ça. Et puis, au Festival de cinéma de la Ville de Québec à l'automne, on avait une présentation qui était de cet ordre-là aussi. Donc, on veut développer ça parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le côté technique simple dans le sens où on va vers le dessin, vers l'image. Le côté manuel aussi. Voilà, il y a ceux qui ont un côté un petit peu plus geek, là. OK. ça plaît aux ados. Oui, j'imagine. C'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est un beau défi parce que c'est avec des classes d'accueil. Donc c'est aussi un public un petit peu particulier qui n'a pas les mêmes connaissances du lieu où nous nous trouvons là. Donc c'est vraiment très intéressant. Et de travailler à plusieurs centres comme ça, là. Ce sont vraiment de super projets, super intéressants. Merci. Si vous voulez, pour les auditeurs, en fait, si vous voulez voir ces locaux, l'ouverture officielle de la pilotine, c'est samedi le 7 décembre et c'est de midi à 17h, donc en après-midi, comme on l'a mentionné. Merci beaucoup, Armelle François, d'avoir été en studio avec nous ce soir. Donc, on enchaîne tout de suite avec l'agenda de la semaine. Génial! Est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine, gentille? Il y a d'abord le vernissage de l'exposition Domus du côté de la côte d'Inan. De la galerie, puis là, j'ai oublié de le prendre en note. Je me souviens jamais du nom de la galerie. Oh mon Dieu! Trois semaines sans émission, puis je perds mes moyens. Donc, On vous envoie à une chasse au trésor. Oui. C'est au 1 Côte d'Inan. Oui, vous c'est allez ça, découvrir dans les anciens locaux de la galerie Lacerre. Donc, c'est le 5 décembre à partir de 17h. La présentation des travaux de résidence à la bande vidéo. De la bande vidéo, ça va être à Antitube le 6 décembre à 18h. Et évidemment, on vient d'en parler, c'est la mise à l'eau de la pilotine du côté de Dangram. Donc, c'est au 545 de la rue du Parvis et c'est à partir de midi ce samedi. Ensuite, il va y avoir le vernissage de Multiface de gloire Munoko à la salle d'exposition. l'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Ça va être ce samedi également à partir de 17h. Et l'exposition est déjà ouverte là, depuis lundi et ça va se poursuivre jusqu'au 21 décembre. Et c'est la dernière semaine pour voir Costume de Rosalie Gamache jusqu'à vendredi le 6 décembre à l'Espace Parenthèse. Et c'est également la dernière semaine pour aller voir la très belle exposition L'horizon des événements de Jérémy Saint-Pierre. C'est jusqu'à dimanche à la galerie Michel Guimond. Et ben j'aimerais... on va passer tout de suite à Pierre Blais. Alors, Pierre, qu'est-ce qui se passe à Situation Critique ce soir? Il se passe qu'on constate que votre émission a coûté très cher avec deux animatrices. On voit que le budget a beaucoup augmenté. Ah, le bénévolat, c'est du travail invisible. Bon. tiens, je vais faire un lien avec les arts visuels. Ah, oh, encore? C'est-à-dire, oui, il y a un film, c'est Laurie Militairien qui va venir nous parler d'une production qui a fait beaucoup parler d'elle à Cannes au festival l'an passé et qui a été acheté pour le marché mondial, donc distribué à la grandeur du monde, dont au Québec, par Netflix. Ce n'est pas une production Netflix, c'est un film acheté par Netflix pour distribution sur sa plateforme, donc okay. Vous pouvez le voir présentement, et c'est un dessin animé, d'où mon lien avec les arts visuels. Ça s'appelle « J'ai perdu mon corps ». C'est le premier long métrage qui est adapté d'un roman français de Guillaume Laurent. Donc, première réalisation d'un jeune cinéaste français. C'est l'histoire d'une main qui se détache d'un corps puis qui va vivre sa vie. Mmh. Oh! Oh moi, oui, j'ai vu les 10 premières minutes, puis je m'en suis pas remis. Donc, on est pas loin de la famille Adams, là. Mais sincèrement, j'ai très, très hâte de le regarder en entier. J'ai perdu mon corps. On en parle ce soir, tout comme de Irishman, le film de Scorsese. Qui ne fait pas l'unanimité en ce qui me concerne. Ben oui, il paraît. Bon, ben merci beaucoup. Dans une minute. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Vous semblez pas comprendre à quel point la situation dégénère rapidement. On s'en fout, on veut des résultats. J'ai mis 60 000 $ pour la propriété et là, je me fais dire qu'il n'y a plus rien à faire avec la bâtisse. Écoutez-moi, vous devez partir. C'est un nouvel écosystème qui gruge vos murs. C'est un peu comme si les algues se préparaient au pire. Comme si elles savent qu'on va bientôt être plongé dans le noir. Du 10 au 15 décembre, le Conservatoire d'art dramatique de Québec présente La Fosse des Mariannes, une création des finissantes et finissants dans une mise en scène d'Olivier Normand au Théâtre du Conservatoire. Réservation au 418-643-9833. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca.